Première partie, livre 9, suite. On retrouve dans les vers de Lord Byron des imitations frappantes du minstrel. À l'époque de mon exil en Angleterre, Lord Byron habitait l'école de Harrow, dans un village à 10 000 de Londres. Il était enfant, j'étais jeune et aussi inconnu que lui. Il avait été élevé sur les bruyères de l'Écosse, au bord de la mer, comme moi, dans les landes de la Bretagne, au bord de la mer. Il aima d'abord la Bible et Ossian, comme je les aimais. Il chanta dans Newstead Abbey les souvenirs de l'enfance, comme je les chantais dans le château de Combourg, lorsque j'explorais, jeune montagnard, la noire bruyère, et gravissais ta cime penchée, ô Morven, couronnée de neige, pour m'ébahir au torrent qui tonnait au-dessous de moi, ou aux vapeurs de la tempête qui s'amoncelait à mes pieds. Dans mes courses, aux environs de Londres, lorsque j'étais si malheureux, 20 fois je traversais le village de Harrow, sans savoir quel génie il renfermait. Je me suis assis dans le cimetière, au pied de l'orme sous lequel, en 1807, Lord Byron écrivait ses vers au moment où je revenais de la Palestine. « Spot of my youth, whose hoary branches sigh, swept by the breeze that fans the cloudless sky, etc. Lieu de ma jeunesse où soupirent les branches chenues, effleurées par la brise qui rafraîchit ton ciel sans nuages. Lieu où je vague aujourd'hui seul, moi qui souvent ai foulé avec ceux que j'aimais, ton gazon molle et vert. Quand la destinée glacera ce sein qu'une fièvre dévore, quand elle aura calmé les soucis et les passions, ici où il palpita, ici mon cœur pourra reposer. Puissais-je m'endormir où s'éveillèrent mes espérances, mêlées à la terre où coururent mes pas, pleurer de ceux qui furent en société avec mes jeunes années, oubliés du reste du monde. » Note. Vers écrits sous un ormeau dans le cimetière d'Harrow et datés du 2 septembre 1807, c'est par cette pièce que se terminent les heures de paresse. Fin de note. Et moi, je dirais, salut, antique ormeau, au pied duquel Byron, enfant, s'abandonnait aux caprices de son âge, alors que je rêvais René sous ton ombre, sous cette même ombre, où plus tard le poète vint à son tour rêver chez Harold, Byron demandait au cimetière témoin des premiers jeux de sa vie une tombe ignorée, inutile prière que n'exaucera point la gloire. Cependant Byron n'est plus ce qu'il a été. Je l'avais trouvé de toutes parts vivant à Venise. Au bout de quelques années dans cette même ville, où je trouvais son nom partout, je l'ai retrouvé effacé et inconnu partout. Les échos du Lido ne le répètent plus, et si vous le demandez à des Vénitiens, ils ne savent plus de qui vous parlez. Lord Byron est entièrement mort pour eux. Ils n'entendent plus les hennissements de son cheval. Il en est de même à Londres, où sa mémoire périt. Voilà ce que nous devenons. Si j'ai passé à Harrow sans savoir que Lord Byron, enfant, y respirait, des Anglais ont passé à Combourg sans se douter qu'un petit vagabond, élevé dans ces bois, laisserait quelques traces. Le voyageur Arthur Young, traversant Combourg, écrivait « Jusqu'à Combourg, de Pontorson, le pays a un aspect sauvage. L'agriculture n'y est pas plus avancée que chez les Hurons, ce qui paraît incroyable dans un pays enclos. Le peuple y est presque aussi sauvage dans le pays, et la ville de Combourg, une des places les plus sales et les plus rudes que l'on puisse voir. Des maisons de terre sans vitres, et un pavé si rompu qu'il arrête les passagers, mais aucune aisance. Cependant, il s'y trouve un château, et il est même habité. Qui est ce monsieur de Chateaubriand, propriétaire de cette habitation, qui a des nerfs assez forts pour résider au milieu de tant d'ordures et de pauvreté? Au-dessous de cet amas hideux de misère est un beau lac, environné d'enclos bien boisés. » Note. Voyage en France, en Espagne et en Italie, pendant les années 1787-1789, par Arthur Young. Fin de note. Ce monsieur de Chateaubriand était mon père. La retraite qui paraissait si hideuse à l'agronome de mauvaise humeur n'en était pas moins une belle et noble demeure, quoique sombre et grave. Quant à moi, faible plan de lierre commençant à grimper au pied de ces tours sauvages, monsieur Young eût-il pu m'apercevoir, lui qui n'était occupé que de la revue de nos moissons? Qu'il me soit permis d'ajouter à ces pages, écrites en Angleterre en 1822, ses autres pages écrites en 1824 et 1840. Elles achèveront le morceau de Lord Byron. Ce morceau se trouvera surtout complété quand on aura lu ce que je redirai du grand poète en passant à Venise. Il y aura peut-être quelque intérêt à remarquer dans l'avenir la rencontre des deux chefs de la nouvelle école française et anglaise ayant un même fond d'idées, des destinées sinon des mœurs à peu près pareilles. L'un pair d'Angleterre, l'autre pair de France, tous deux voyageurs dans l'Orient, assez souvent l'un près de l'autre et ne se voyant jamais, seulement la vie du poète anglais a été mêlée à de moins grands événements que la mienne. Lord Byron est allé visiter après moi les ruines de la Grèce. Dans Childehold, il semble embellir de ses propres couleurs les descriptions de l'itinéraire. Au commencement de mon pèlerinage, je reproduis l'adieu du sire de Joinville à son château. Byron dit un égal adieu à sa demeure gothique. Dans les martyrs, Eudore part de la Messénie pour se rendre à Rome. « Notre navigation fut longue, dit-il. Nous vîmes tous ces promontoires marqués par des temples ou des tombeaux. » Mes jeunes compagnons n'avaient entendu parler que des métamorphoses de Jupiter, ils ne comprirent rien aux débris qu'ils avaient sous les yeux. Moi, je m'étais déjà assis, avec le prophète, sur les ruines des villes désolées, et Babylone m'enseignait Corinthe. Note. Les martyrs, livre 4. Fin de note. Le poète anglais est comme le prosateur français, derrière la lettre de Sulpicius à Cicéron. Une rencontre si parfaite, mais singulièrement glorieuse, puisque j'ai devancé le chantre immortel au rivage où nous avons eu les mêmes souvenirs et où nous avons commémoré les mêmes ruines. J'ai encore l'honneur d'être en rapport avec Lord Byron, dans la description de Rome. Les martyrs et ma lettre sur la campagne romaine ont l'inappréciable avantage pour moi d'avoir deviné les aspirations d'un beau génie. Les premiers traducteurs, commentateurs et admirateurs de Lord Byron se sont bien gardés de faire remarquer que quelques pages de mes ouvrages avaient pu rester un moment dans les souvenirs du peintre de Childehold. Ils auraient cru ravir quelque chose à son génie. Maintenant que l'enthousiasme s'est un peu calmé, on me refuse moins cet honneur. Notre immortel chansonnier, dans le dernier volume de ses chansons, a dit « Dans un des couplets qui précède celui-ci, je parle des lyres que la France doit à Monsieur de Chateaubriand. Je ne crains pas que ce vers soit démenti par la nouvelle école poétique qui, née sous les ailes de l'aigle, s'est avec raison glorifiée souvent d'une telle origine. L'influence de l'auteur du génie du christianisme s'est fait ressentir également à l'étranger, et il y aurait peut-être justice à reconnaître que le chantre de Childehold est de la famille de René. » Dans un excellent article sur Lord Byron, M. Villemin a renouvelé la remarque de M. de Béranger. « Quelques pages incomparables de René, dit-il, avaient, il est vrai, épuisé ce caractère poétique. Je ne sais si Byron les imitait ou les renouvelait de génie. » Ce que je viens de dire sur les affinités d'imagination et de destinée entre le chroniqueur de René et le chantre de Childehold n'ôte pas un seul cheveu à la tête du barde immortel. Que peu à la muse de la dit, portant une lyre et des ailes, ma muse pédestre et sans lutte. Lord Byron vivra, soit qu'enfant de son siècle comme moi, il en ait exprimé, comme moi et comme Goethe avant nous, la passion et le malheur, soit que mes périples et le falot de ma barque gauloise aient montré la route au vaisseau d'Albion sur des mers inexplorées. D'ailleurs, deux esprits d'une nature analogue peuvent très bien avoir des conceptions pareilles sans qu'on puisse leur reprocher d'avoir marché servilement dans les mêmes voies. Il est permis de profiter des idées et des images exprimées dans une langue étrangère pour en enrichir la sienne. Cela s'est vu dans tous les siècles et dans tous les temps. Je reconnais tout d'abord que dans ma première jeunesse, Ossian, Werther, les rêveries du promeneur solitaire, les études de la nature, ont pu s'apparenter à mes idées. Mais je n'ai rien caché, rien dissimulé du plaisir que me causaient des ouvrages où je me délectais. S'il était vrai que René entra pour quelque chose dans le fond du personnage unique, mis en scène sous des noms divers, dans Childehold, Conrad, Lara, Manfred, le Giaour, si par hasard Lord Byron m'avait fait vivre de sa vie, il aurait donc eu la faiblesse de ne jamais me nommer? J'étais donc un de ces pères qu'on renie quand on est arrivé au pouvoir? Lord Byron peut-il m'avoir complètement ignoré, lui qui cite presque tous les auteurs français, ses contemporains? N'a-t-il jamais entendu parler de moi quand les journaux anglais, comme les journaux français, ont retenti 20 ans auprès de lui de la controverse sur mes ouvrages, lorsque le New Times a fait un parallèle de l'auteur du génie du christianisme et de l'auteur de Childerhold. Point d'intelligence, si favorisée qu'elle soit, qui naît ses susceptibilités, ses défiances. On veut garder le sceptre, on craint de le partager, on s'irrite des comparaisons. Ainsi, un autre talent supérieur a évité mon nom dans un ouvrage sur la littérature. Grâce à Dieu, m'estimant à ma juste valeur, je n'ai jamais prétendu à l'Empire. Comme je ne crois qu'à la vérité religieuse, dont la liberté est une forme, je n'ai pas plus de foi en moi qu'en toute autre chose ici-bas. Mais je n'ai jamais senti le besoin de me taire quand j'ai admiré. C'est pourquoi je proclame mon enthousiasme pour Madame de Staël et pour Lord Byron. Quoi de plus doux que l'admiration ? C'est de l'amour dans le ciel, de la tendresse élevée jusqu'au culte. On se sent pénétré de reconnaissance pour la divinité qui étend les bases de nos facultés, qui ouvre de nouvelles vues à notre âme, qui nous donne un bonheur si grand, si pur, sans aucun mélange de crainte ou d'envie. Au surplus, la petite chicane que je fais dans ces mémoires au plus grand poète que l'Angleterre ait eu depuis Milton ne prouve qu'une chose. Le haut prix que j'aurais attaché au souvenir de sa muse. Lord Byron a ouvert une déplorable école. Je présume qu'il a été aussi désolé des Childerhold auxquels il a donné naissance que je le suis des René qui rêvent autour de moi. La vie de Lord Byron est l'objet de beaucoup d'investigations et de calomnies. Les jeunes gens ont pris au sérieux des paroles magiques. Les femmes se sont senties disposées à se laisser séduire avec frayeur par ce monstre, à consoler ce Satan solitaire et malheureux. Qui sait ? Il n'avait peut-être pas trouvé la femme qu'il cherchait, une femme assez belle, un cœur aussi vaste que le sien. Byron, d'après l'opinion fantasmagorique, est l'ancien serpent séducteur et corrupteur parce qu'il voit la corruption de l'espèce humaine. C'est un génie fatal et souffrant, placé entre les mystères de la matière et de l'intelligence, qui ne trouve point de mots à l'énigme de l'univers, qui regarde la vie comme une affreuse ironie sans cause, avec un sourire pervers du mal. C'est le fils du désespoir qui méprise et renie, qui portant en soi-même une incurable plaie, se venge en menant à la douleur par la volupté tout ce qu'il approche. C'est un homme qui n'a point passé par l'âge de l'innocence, qui n'a jamais eu l'avantage d'être rejeté et maudit de Dieu. Un homme qui, sorti réprouvé du sein de la nature, est le damné du néant. Tel est le Byron des imaginations échauffées. Ce n'est point, ce me semble, celui de la vérité. Deux hommes différents, comme dans la plupart des hommes, sont unis dans Lord Byron. L'homme de la nature et l'homme du système. Le poète, s'apercevant du rôle que le public lui faisait jouer, l'a accepté et s'est mis à maudire le monde qu'il n'avait pris d'abord qu'en rêverie. Cette marche est sensible dans l'ordre chronologique de ses ouvrages. Quant à son génie, loin d'avoir l'étendue qu'on lui attribue, il est assez réservé. Sa pensée poétique n'est qu'un gémissement, une plainte, une imprécation. En cette qualité, elle est admirable. Il ne faut pas demander à la lyre ce qu'elle pense, mais ce qu'elle chante. Quant à son esprit, il est sarcastique et varié, mais d'une nature qui agite et d'une influence funeste. L'écrivain avait bien lu Voltaire et il l'imite. Lord Byron, doué de tous les avantages, avait peu de choses à reprocher à sa naissance. L'accident même qui le rendait malheureux et qui rattachait ses supériorités à l'infirmité humaine n'aurait pas dû le tourmenter puisqu'il ne l'empêchait pas d'être aimé. Le chantre immortel connut par lui-même combien est vraie la maxime de Zénon, la voix est la fleur de la beauté. Une chose déplorable, c'est la rapidité avec laquelle les renommées fuient aujourd'hui. Au bout de quelques années, que dis-je, de quelques mois, l'engouement disparaît, le dénigrement lui succède. On voit déjà pâlir la gloire de Lord Byron. Son génie est mieux compris de nous. Il aura plus longtemps des hôtels en France qu'en Angleterre. Comme Childerhold excelle principalement à peindre les sentiments particuliers de l'individu, les Anglais, qui préfèrent les sentiments communs à tous, finiront par méconnaître le poète dont le cri est si profond et si triste. Qu'ils y prennent garde, s'ils brisent l'image de l'homme qui les a fait revivre, que leur restera-t-il ? Lorsque j'écrivis pendant mon séjour à Londres en 1822 mes sentiments sur Lord Byron, il n'avait plus que 2 ans à vivre sur la terre. Il est mort en 1824, à l'heure où les désenchantements et les dégoûts allaient commencer pour lui. Je l'ai précédé dans la vie, il m'a précédé dans la mort. Il a été appelé avant son tour, mon numéro primait le sien, et pourtant le sien est sorti le premier. Schillerhold aurait dû rester, le monde me pouvait perdre sans s'apercevoir de ma disparition. J'ai rencontré, en continuant ma route, Madame Guiccioli à Rome, Lady Byron à Paris. La faiblesse et la vertu me sont ainsi apparues. La première avait peut-être trop de réalité, la seconde pas assez de songe. Maintenant, après vous avoir parlé des écrivains anglais à l'époque où l'Angleterre me servait d'asile, il ne me reste qu'à vous dire quelque chose de l'Angleterre elle-même à cette époque, de son aspect, de ses sites, de ses châteaux, de ses mœurs privées et politiques. Toute l'Angleterre peut être vue dans l'espace de 4 lieues, depuis Richmond, au-dessus de Londres, jusqu'à Greenwich et au-dessous. Au-dessous de Londres, c'est l'Angleterre industrielle et commerçante, avec ses docks, ses magasins, ses douanes, ses arsenaux, ses brasseries, ses manufactures, ses fonderies, ses navires. Ceux-ci, à chaque marée, remontent la Tamise en 3 divisions. Les plus petits d'abord, les moyens ensuite, enfin les grands vaisseaux qui rasent de leurs voiles les colonnes de l'hôpital des vieux marins et les fenêtres de la taverne où festoient les étrangers. Au-dessus de Londres, c'est l'Angleterre agricole et pastorale, avec ses prairies, ses troupeaux, ses maisons de campagne, ses parcs, dont l'eau de la Tamise, refoulée par le flux, baigne 2 fois le jour les arbustes et les gazons. Au milieu de ces 2 points opposés, Richmond et Greenwich, Londres confond toutes les choses de cette double Angleterre. À l'ouest, l'aristocratie, à l'est, la démocratie, la Tour de Londres et Westminster, bornes entre lesquelles l'histoire entière de la Grande-Bretagne se vient placer. Je passais une partie de l'été de 1799 à Richmond, avec Christian de Lamoignon, m'occupant du génie du christianisme. Je faisais des nagées en bateau sur la Tamise ou des courses dans le parc de Richmond. J'aurais bien voulu que le Richmond de Londres fût le Richmond du traité Honor Ricae Mundiae, car alors je me serais retrouvé dans ma patrie. Et voici comment. Guillaume le Bâtard fit présent à Alain, duc de Bretagne, son gendre, de 442 terres seigneuriales en Angleterre qui formèrent depuis le comté de Richmond. Les ducs de Bretagne, successeurs d'Alain, inféodèrent ces domaines à des chevaliers bretons, cadets des familles de Rohan, de Tinténiac, de Chateaubriand, de Goyon, de Montboucher. Mais malgré ma bonne volonté, il me faut chercher dans le Yorkshire le comté de Richmond érigé en duché sous Charles II pour un bâtard. Le Richmond sur la Tamise et l'ancien Shin d'Édouard III. Là expira, en 1377, Édouard III, ce fameux roi volé par sa maîtresse, Alix Pearce, qui n'était plus Alix ou Catherine de Salisbury des premiers jours de la vie du vainqueur de Crécy. N'aimez qu'à l'âge où vous pouvez être aimé. Henri VIII et Élisabeth moururent aussi à Richmond. Où ne meurt-on pas ? Henri VIII se plaisait à cette résidence. Les historiens anglais sont fort embarrassés de cet abominable homme. D'un côté, ils ne peuvent dissimuler la tyrannie et la servitude du Parlement. De l'autre, s'ils disaient trop anathème au chef de la Réformation, ils se condamneraient en le condamnant. Plus l'oppresseur est vil, plus l'esclave est infâme. On montre dans le parc de Richmond le tertre qui servait d'observatoire à Henri VIII pour épier la nouvelle du supplice d'Anne Boleyn. Henri tressaillit d'aise au signal parti de la Tour de Londres. Quelle volupté ! Le fer avait tranché le col délicat, ensanglanté les beaux cheveux auxquels le poète roi avait attaché ses fatales caresses. Dans le parc abandonné de Richmond, je n'attendais aucun signal homicide. Je n'aurais pas même souhaité le plus petit mal à qui m'aurait trahi. Je me promenais avec quelques daims paisibles. Accoutumés à courir devant une meute, ils s'arrêtaient lorsqu'ils étaient fatigués. On les rapportait, fort gais et tout amusés de ce jeu, dans un tombereau rempli de paille. J'allais voir à Cuve les kangourous, ridicules bêtes, tout juste l'inverse de la girafe. Ces innocents quadrupèdes sauterelles peuplaient mieux l'Australie que les prostituées du vieux duc de Kingsbury ne peuplaient les ruelles de Richmond. La Tamise bordait le gazon d'un cottage à demi caché sous un cèdre du Liban et parmi des saules pleureurs. Un couple, nouvellement marié, était venu passer la lune de miel dans ce paradis. Voici qu'un soir, lorsque je marchais tout doux sur les pelouses de Twickenham, apparaît Pelletier, tenant son mouchoir sur sa bouche. « Quel sempiternel tonnerre de brouillard !» s'écria-t-il aussitôt qu'il fut à portée de la voix. « Comment diable pouvez-vous rester là ? J'ai fait ma liste. Stowe, Blenheim, Hampton Court, Oxford. Avec votre façon songarde, vous seriez chez John Bull, in vitam aeternam, que vous ne verriez rien. » Je demandais grâce inutilement. Il fallut partir. Dans la calèche, Pelletier m'énuméra ses espérances. Il en avait des relais. Une crevée sous lui, il en enfourchait une autre, et en avant, jambe de ci, jambe de ça, jusqu'au bout de la journée. Une de ses espérances, la plus robuste, le conduisit dans la suite à Bonaparte, qu'il prit au collet. Napoléon eut la simplicité de boxer avec lui. Pelletier avait pour seconde James McIntosh. Condamné devant les tribunaux, il fit une nouvelle fortune, qu'il mangea un continent, en vendant les pièces de son procès. Blenheim me fut désagréable. Je souffrais d'autant plus d'un ancien revers de ma patrie que j'avais eu à supporter l'insulte d'un récent affront. Un bateau, en amont de la Tamise, m'aperçut sur la rive. Les rameurs, avisant un Français, poussèrent des hurrahs. On venait de recevoir la nouvelle du combat naval d'Aboukir. Ces succès de l'étranger, qui pouvaient m'ouvrir les portes de la France, m'étaient odieux. Nelson, que j'avais rencontré plusieurs fois dans Hyde Park, enchaîna ses victoires à Naples dans le châle de Lady Hamilton, tandis que les Lazzaroni jouaient à la boule avec des têtes. L'amiral mourut glorieusement à Trafalgar, et sa maîtresse misérablement à Calais, ayant perdu beauté, jeunesse et fortune. Et moi, qu'outragea sur la Tamise, le triomphe d'Aboukir, j'ai vu les palmiers de la Libye border la mer calme et déserte, qui fut rougie du sang de mes compatriotes. Le parc de Stowe est célèbre par ses fabriques. J'aime mieux ses ombrages. Le cicérone du lieu nous montra, dans une ravine noire, la copie d'un temple dont je devais admirer le modèle dans la brillante vallée du Céphis. De beaux tableaux de l'école italienne s'attristaient au fond de quelques chambres inhabitées dont les volets étaient fermés. Pauvre Raphaël, prisonnier dans un château des vieux Bretons, loin du ciel de la Farnésine. Hampton Court conservait la collection des portraits des maîtresses de Charles II. Voilà comme ce prince avait pris les choses en sortant d'une révolution qui fit tomber la tête de son père et qui devait chasser sa race. Nous vîmes, à Slough, Herschel, avec sa savante sœur et son grand télescope de 40 pieds. Il cherchait de nouvelles planètes. Cela faisait rire Pelletier, qui s'en tenait aux 7 vieilles. Nous nous arrêtâmes 2 jours à Oxford. Je me plus dans cette république d'Alfred le Grand. Elle représentait les libertés privilégiées et les mœurs des institutions lettrées du Moyen-Âge. Nous ravaudâmes les 25 collèges, les bibliothèques, les tableaux, le muséum, le jardin des plantes. Je feuilletais avec un plaisir extrême, parmi les manuscrits du collège de Worcester, une vie du prince noir, écrite en vers français par le héros d'armes de ce prince. Oxford, sans leur ressembler, rappelait à ma mémoire les modestes collèges de Dole, de Rennes et de Dinan. J'avais traduit l'élégie de Gray sur le cimetière de campagne. « The curfew tolls the knell of parting day ». Imitation de ce vers de Dante. « Squilia di lontano, che pagia il giorno pianger che si muore ». Pelletier s'était empressé de publier, à son de trompe, dans son journal, ma traduction. À la vue d'Oxford, je me souvins de l'ode du même poète sur une vue lointaine du collège d'Eton. Heureuse colline, charmant bocage, champs et maisons vains, où jadis mon enfance insouciante errait étrangère à la peine, je sens les brises qui viennent de vous. Elles semblent caresser mon âme abattue, et parfumée de joie et de jeunesse, me souffler un second printemps. Dis, paternelle Tamise, dis quelle génération volage l'emporte aujourd'hui à précipiter la course du cerceau roulant ou à lancer la balle fugitive. Hélas, sans souci de leur destinée, folâtres les petites victimes, elles n'ont ni prévision des maux à venir ni soin d'outre-journée. Qui n'a éprouvé les sentiments et les regrets exprimés ici avec toute la douceur de la muse, qui ne s'est attendri au souvenir des jeux, des études, des amours de ses premières années? Mais peut-on leur rendre la vie? Les plaisirs de la jeunesse reproduits par la mémoire sont des ruines vues au flambeau. Vie privée des Anglais. Séparés du continent par une longue guerre, les Anglais conservaient à la fin du dernier siècle leurs mœurs et leur caractère national. Il n'y avait encore qu'un peuple, au nom duquel s'exerçait la souveraineté par un gouvernement aristocratique. On ne connaissait que deux grandes classes amies et liées d'un commun intérêt, les patrons et les clients. Cette classe jalouse, appelée bourgeoisie en France, qui commence à naître en Angleterre, n'existait pas. Rien ne s'interposait entre les riches propriétaires et les hommes occupés de leur industrie. Tout n'était pas encore machine dans les professions manufacturières, folie dans les rangs privilégiés. Sur ces mêmes trottoirs, où l'on voit maintenant se promener des figures sales et des hommes en redingote, passaient de petites filles en mantelet blanc, chapeau de paille noué sous le menton avec un ruban, corbeille au bras, dans laquelle étaient des fruits ou un livre. Toutes tenant les yeux baissés, toutes rougissant lorsqu'on les regardait. L'Angleterre, dit Shakespeare, est un nid de cygnes au milieu des eaux. Les redingotes sans habits étaient si peu d'usage à Londres en 1793 qu'une femme qui pleurait à chaudes larmes la mort de Louis XVI me disait « Mais cher monsieur, est-il vrai que le pauvre roi était vêtu d'une redingote lorsqu'on lui coupa la tête ?» Les gentlemen farmers n'avaient point encore vendu leur patrimoine pour habiter Londres. Ils formaient encore dans la Chambre des communes cette fraction indépendante qui, se portant à l'opposition au ministère, maintenait les idées de liberté, d'ordre et de propriété. Ils chassaient le renard ou le faisan en automne, mangeaient l'oie grasse à Noël, criaient « Viva !» au roast-beef, se plaignaient du présent, vantaient le passé, maudissaient Pitt et la guerre, laquelle augmentait le prix du vin de Porto, et se couchaient ivres pour recommencer le lendemain la même vie. Il se tenait assuré que la gloire de la Grande-Bretagne ne périrait point tant qu'on chanterait « God save the King », que les bourgs pourris seraient maintenus, que les lois sur la chasse resteraient en vigueur, et que l'on vendrait furtivement au marché les lièvres et les perdrix sous le nom de lion et d'autruche. Le clergé anglican était savant, hospitalier, généreux. Il avait reçu le clergé français avec une charité toute chrétienne. L'université d'Oxford fit imprimer à ses frais et distribuer gratis au curé un nouveau testament, selon la leçon romaine, avec ces mots, à l'usage du clergé catholique exilé pour la religion. Quant à la haute société anglaise, chétif exilé, je n'en apercevais que les dehors. Lors des réceptions à la cour ou chez la princesse de Galles, passaient des ladies assises de côté dans des chaises à porteurs, leurs grands paniers sortant par la porte de la chaise comme des devants d'autel. Elles ressemblaient elles-mêmes sur ces autels de leur ceinture à des madones ou à des pagodes. Ces belles dames étaient les filles dont le duc de Guiche et le duc de Lauzun avaient adoré les mères. Ces filles sont, en 1822, les mères et grand-mères des petites filles qui dansent chez moi aujourd'hui en robe courte au son du galoubet de Collinet, rapide génération de fleurs. Mœurs politiques. L'Angleterre de 1688 était à la fin du siècle dernier à l'apogée de sa gloire. Pauvre émigré à Londres de 1793 à 1800, j'ai entendu parler les Pitt, les Fox, les Sheridan, les Wilberforce, les Grenville, les Whitebread, les Lauderdale, les Erskine. Magnifique ambassadeur à Londres aujourd'hui en 1822, je ne saurais dire à quel point je suis frappé lorsque, au lieu des grands orateurs que j'avais admirés autrefois, je vois se lever ceux qui étaient leurs seconds à la date de mon premier voyage, les écoliers à la place des maîtres. Les idées générales ont pénétré dans cette société particulière. Mais l'aristocratie éclairée, placée à la tête de ce pays depuis 140 ans, aura montré au monde une des plus belles et des plus grandes sociétés qui ait fait l'honneur à l'espèce humaine, depuis le patriciat romain. Peut-être quelque vieille famille dans le fond d'un comté reconnaîtra la société que je viens de peindre et regrettera le temps dont je déplore ici la perte. En 1792, M. Burke se sépara de M. Fox. Il s'agissait de la Révolution française que M. Burke attaquait et que M. Fox défendait. Jamais les deux orateurs, qui jusqu'alors avaient été amis, ne déployèrent autant d'éloquence. Toute la chambre fut émue et des larmes remplissaient les yeux de M. Fox quand M. Burke termina sa réplique par ces paroles. « Le très honorable gentleman, dans le discours qu'il a fait, m'a traité à chaque phrase avec une dureté peu commune. Il a censuré ma vie entière, ma conduite et mes opinions. Nonobstant cette grande et sérieuse attaque, non méritée de ma part, je ne serai pas épouvanté. Je ne crains pas de déclarer mes sentiments dans cette chambre ou partout ailleurs. Je dirai au monde entier que la Constitution est en péril. C'est certainement une chose indiscrète en tout temps, et beaucoup plus indiscrète encore à cet âge de ma vie que de provoquer des ennemis, ou de donner à mes amis des raisons de m'abandonner. Cependant, si cela doit arriver pour mon adhérence à la Constitution britannique, je risquerai tout, et comme le devoir public et la prudence publique me l'ordonnent, dans mes dernières paroles je m'écrirai « Fuyez la Constitution française, flame from the French Constitution ». M. Fox ayant dit qu'il ne s'agissait pas de perdre des amis, M. Burke s'écria « Oui, il s'agit de perdre des amis. Je connais le résultat de ma conduite. Je fais mon devoir au prix de mon ami. Notre amitié est finie. I have done my duty at the price of my friend. Our friendship is at an end. » J'avertis les très honorables gentlemen qui sont les deux grands rivaux dans cette chambre qu'ils doivent à l'avenir, soit qu'ils se meuvent dans l'hémisphère politique comme deux grands météores, soit qu'ils marchent ensemble comme deux frères, je les avertis qu'ils doivent préserver et chérir la Constitution britannique, qu'ils doivent se mettre en garde contre les innovations et se sauver du danger de ces nouvelles théories. From the danger of these new theories. Mémorable époque du monde. M. Burke, que je connus vers la fin de sa vie, accablé de la mort de son fils unique, avait fondé une école consacrée aux enfants des pauvres émigrés. J'allais voir ce qu'il appelait sa pépinière, his nursery. Il s'amusait de la vivacité de la race étrangère qui croissait sous la paternité de son génie. En regardant sauter les insouciants petits exilés, il me disait « Nos petits garçons ne feraient pas cela. Our boys could not do that. » Et ses yeux se mouillaient de larmes. Il pensait à son fils parti pour un plus long exil. Pitt, Fox, Burke ne sont plus, et la Constitution anglaise a subi l'influence des nouvelles théories. Il faut avoir vu la gravité des débats parlementaires à cette époque. Il faut avoir entendu ces orateurs, dont la voix prophétique semblait annoncer une révolution prochaine, pour se faire une idée de la scène que je rappelle. La liberté, contenue dans les limites de l'ordre, semblait se débattre à Westminster sous l'influence de la liberté anarchique, qui parlait à la tribune encore sanglante de la Convention. M. Pitt, grand et maigre, avait un air triste et moqueur. Sa parole était froide, son intonation monotone, son geste insensible. Toutefois, la lucidité et la fluidité de ses pensées, la logique de ses raisonnements, subitement illuminée d'éclairs d'éloquence, faisait de son talent quelque chose hors de ligne. J'apercevais assez souvent M. Pitt lorsque de son hôtel à travers le parc Saint-James, il allait à pied chez le roi. De son côté, George III arrivait de Windsor après avoir bu de la bière dans un pot d'étain avec les fermiers du voisinage. Il franchissait les vilaines cours de son vilain châtelet dans une voiture grise que suivaient quelques gardes à cheval. C'était là le maître des rois de l'Europe, comme cinq ou six marchands de la cité sont les maîtres de l'Inde. M. Pitt, en habit noir, épée à poignée d'acier au côté, chapeau sous le bras, montait, enjambant deux ou trois marches à la fois. Il ne trouvait sur son passage que trois ou quatre émigrés désœuvrés. Laissant tomber sur nous un regard dédaigneux, il passait le nez au vent, la figure pâle. Ce grand financier n'avait aucun ordre chez lui. Point d'heure réglée pour ses repas ou son sommeil. Criblé de dettes, il ne payait rien et ne se pouvait résoudre à faire l'addition d'un mémoire. Un valet de chambre conduisait sa maison. Mal vêtu, sans plaisir, sans passion, avide seulement de pouvoir, il méprisait les honneurs et ne voulait être que William Pitt. Lord Liverpool, au mois de juin dernier 1822, me mena dîner à sa campagne. En traversant la bruyère de Pulteney, il me montra la petite maison où mourut pauvre le fils de Lord Chatham, l'homme d'État qui avait mis l'Europe à sa solde et distribué de ses propres mains tous les milliards de la terre. George III survécut à M. Pitt, mais il avait perdu la raison et la vue. Chaque session à l'ouverture du Parlement, Les ministres lisaient aux chambres silencieuses et attendries le bulletin de la santé du roi. Un jour, j'étais allé visiter Windsor, j'obtins pour quelques shillings de l'obligeance d'un concierge qu'il me cacha de manière à voir le roi. Le monarque, en cheveux blancs et aveugles, parut, errant comme le roi Lear dans ses palais et tâtonnant avec ses mains les murs des salles. Il s'assit devant un piano dont il connaissait la place et joua quelques morceaux d'une sonate de Handel. C'était une belle fin de la vieille Angleterre, Old England. Je commençais à tourner les yeux vers ma terre natale. Une grande révolution s'était opérée. Bonaparte, devenu premier consul, rétablissait l'ordre par le despotisme. Beaucoup d'exilés rentraient. La haute émigration, surtout, s'empressait d'aller recueillir les débris de sa fortune. La fidélité périssait par la tête, tandis que son cœur battait encore dans la poitrine de quelques gentilshommes de province à demi nus. Madame Lindsay était partie. Elle écrivait à messieurs de Lamoignon de revenir. Elle invitait aussi madame d'Axau, sœur de messieurs de Lamoignon, à passer le détroit. Fontane m'appelait pour achever à Paris l'impression du génie du christianisme. Tout en me souvenant de mon pays, je ne me sentais aucun désir de le revoir. Des dieux plus puissants que les lares paternelles me retenaient. Je n'avais plus en France de biens et d'asile. La patrie était devenue pour moi un sein de pierre, une mamelle sans lait. Je n'y trouverais ni ma mère, ni mon frère, ni ma sœur Julie. Lucille existait encore, mais elle avait épousé M. de Caux et ne portait plus mon nom. Ma jeune veuve ne me connaissait que par une union de quelques mois, par le malheur et par une absence de 8 années. Livrée à moi seule, je ne sais si j'aurais eu la force de partir. Mais je voyais ma petite société se dissoudre. Madame d'Axau me proposait de me mener à Paris. Je me laissai aller. Le ministre de Prusse me procura un passeport sous le nom de Lassagne, habitant de Neuchâtel. Messieurs Dulot interrompirent le tirage du génie du christianisme et m'en donnèrent les feuilles composées. Je détachai des Natchez les esquisses d'Atala et de René. J'enfermai le reste du manuscrit dans une malle dont je confiai le dépôt à mes hôtes, à Londres, et je me mis en route pour Douvres avec madame d'Aguesseau. Madame Lindsay nous attendait à Calais. Ainsi j'abandonnai l'Angleterre en 1800. Mon cœur était autrement occupé qu'il ne l'est à l'époque où j'écris ceci, en 1822. Je ne ramenais de la terre d'exil que des regrets et des songes. Aujourd'hui ma tête est remplie de scènes d'ambition, de politique, de grandeurs et de cours si mécéantes à ma nature. Que d'événements sont entassés dans ma présente existence. Passez, homme, passez, viendra mon tour. Je n'ai déroulé à vos yeux qu'un tiers de mes jours. Si les souffrances que j'ai endurées ont pesé sur mes sérénités printanières, maintenant, entrant dans un âge plus fécond, le germe de René va se développer et des amertumes d'une autre sorte se mêleront à mon récit. Que n'aurais-je point à dire en parlant de ma patrie, de ces révolutions dont j'ai déjà montré le premier plan, de cet empire et de l'homme gigantesque que j'ai vu tomber, de cette restauration à laquelle j'ai pris tant de part, aujourd'hui glorieuse en 1822, mais que je ne puis néanmoins entrevoir qu'à travers je ne sais quel nuage funèbre. Je termine ce livre qui atteint au printemps de 1800. Arrivé au bout de ma première carrière, s'ouvre devant moi la carrière de l'écrivain. D'homme privé, je vais devenir homme public. Je sors de l'asile virginal et silencieux de la solitude pour entrer dans le carrefour souillé et bruyant du monde. Le grand jour va éclairer ma vie rêveuse, la lumière pénétrer dans le royaume des ombres. Je jette un regard attendri sur ces livres qui renferment mes heures immémorées. Il me semble dire un dernier adieu à la maison paternelle. Je quitte les pensées et les chimères de ma jeunesse, comme des sœurs, comme des amantes que je laisse au foyer de la famille et que je ne reverrai plus. Nous mîmes 4 heures à passer de Douvres à Calais. Je me glissai dans ma patrie à l'abri d'un nom étranger. Caché doublement dans l'obscurité du Suisse Lassagne et dans la mienne, j'abordai la France avec le siècle. Ici se termine le livre 9 de la première partie. Ici se termine la première partie des Mémoires d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand.